Alors, je vous rappelle, puisque j'imagine que vous avez déjà reçu l'information par de multiples canaux, la tenue du colloque LIP les 12 et 13 novembre prochains, pour lequel je vais vous faire passer des programmes. N'hésitez pas à en prendre plusieurs si vous souhaitez en distribuer autour de vous, et même si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez en prendre un exemplaire. Donc c'est un colloque qui se tient dans la suite de la séance que nous avions consacrée au conflit LIP et à la vidéo et au cinéma dans les conflits LIP, dans le cadre du séminaire l'année dernière. Vous pourrez y retrouver tous les invités qui étaient présents à cette séance, ainsi que des conférences qui permettront d'élargir l'approche du cinéma, du théâtre sur les conflits LIP, ainsi que deux soirées, l'une de projection d'archives en présence de nombreux témoins anciens militants de LIP, et une seconde sera un spectacle reprenant des textes, des images animées et fixes qui ont été produites au cours de ces conflits ou sur ces conflits. J'en profite également pour vous signaler que l'intégralité des séances de l'année dernière sont d'ores et déjà en ligne sur le site archivesausingulier.org que vous trouverez tout simplement en tapant « vidéo des premiers temps ». Et que dans le cadre de l'élaboration d'un carnet de recherche qui est toujours d'actualité, même si il y aura une avance certainement conséquente après la tenue du colloque LIP, dans ce cadre, on souhaitait remercier Thierry Nouel qui a gentiment très spontanée s'est livré à la transcription de l'intégralité des séances et qui nous servira évidemment de base de travail pour alimenter ce carnet de recherche. J'en ai fini, je passe la parole à Alain.